Couleur croisée. Écoute. Découverte couleur croisée, c'est un hommage à Charlie Parker alors. C'est le mélange vraiment entre l'Afrique et l'Occident. Au bout de 10 minutes, on pouvait attendre 5 secondes. Oh, mama, baby. Couleurs croisées, tableau musical, métissage des couleurs, tous les mardis soirs, 21h-23h, sur 88.4. Bonsoir à tous, bienvenue sur Couleurs Croisées. Salut Axel. Bonsoir à toutes, bienvenue. Salut Seb, ça va, la forme? Bah écoute, ouais, début de semaine tranquille. Ouais, carrément, on va vous donner du bon son pour se réchauffer les oreilles là, hein, avec le froid qu'il fait. Exactement, on est ensemble jusqu'à minuit en direct. Pour passer une bonne nuit, on va allumer le feu et c'est parti. Et pour ceux qui ont encore le courage de bouger, on vous rappelle, hein, aux alentours de 23h, l'agenda de Couleurs Croisées, tous les bons plans qu'on vous propose. Clair, mais il y a plein de monde qui a le courage de bouger, je sais encore. Bien sûr, hein, c'est clair. Et on va commencer très fort, avec, comme d'habitude, de toute façon, hein, avec le Sayag Jazz Machine. Alors, qu'est-ce que c'est? Bon, on va s'écouter ça tout de suite. C'est un mélange de musique électro, drum and bass, jazzy. Yes. Ils sont surtout à voir en concert. Hein. Carrément, parce ouais. que c'est un mélange de son et d'image. Et ils vont bientôt passer, justement, le 18 novembre, en fait, au Mans, en fait, pour ceux qui sont au Mans ou qui ont de la famille au Mans, à l'Oasis, à 20h30, donc pour 15€, yes. tranquillement. Donc le Sayag Jazz Machine, on va s'écouter le morceau Zapata. Yeah. Poesía no nos habla del sueño de las hojas. Sayag Jazz Machine, donc leur dernier album qui vient de sortir, qui s'appelle Anachromique. Yes, en plein carrefour entre le jazz et l'électro drum and bass. Ouais, bon petit morceau. Il vient de se faire écraser par un 32 tonnes, hein, c'est clair. Et on va passer justement à quelque chose de beaucoup plus zen, justement. On va partir un peu plus loin, un peu plus haut, avec le Buddha Bar, tout simplement. Toujours électro, mais là un peu plus indien, avec un morceau qui s'appelle Sudhyam. Yes, donc c'est Buddha Bar compile numéro 45 ou 57, je sais plus exactement laquelle, quoi. Et bah alors c'est parti, yes, Buddha Bar. parti dans les sphères indiennes, extrait de la compil Buddha Bar, c'était Sweet Jam. On était en plein Inde. Ouais, carrément. On était dans l'Inde et ben on va y rester. Ouais. Avec monsieur Serge Gainsbourg. Ouais. Et son chanvre indien. Comme c'est écrit dans la chanson, chanvre indien, voilà. C'est clair. Donc c'est le quart d'heure. Chanson très peu connue quand même. Non, tout à fait, c'est extrait de la compil. La compil, oui, tout à fait. Non, il n'y a pas de compil avec Gainsbourg, heureusement. En tout cas, sur celle-là, c'est la BO du film Cannabis, en fait. Ouais, tout à fait. Non, c'est la BO du film Cannabis. On en avait passé, justement, Cannabis, il y a un mois de ça, en fait. Et là, justement, Chanvre indien, c'est vraiment l'esprit du film. Et donc, je pense qu'on va tous partir avec un peu d'encens au patchouli. Et puis... avec monsieur Serge. Voilà. Yes. Chanvre indien. Chanvre indien, monsieur Gainsbourg. Ouais, petit morceau de douceur. En pleine douceur, tout à fait. On a remis les chakras bien centrés. Et on va pouvoir enchaîner avec Brain Damage. Brain Damage. Voilà, yes. Donc vous êtes toujours sur Couleur Croisée. Ben, Brain Damage, c'est encore un mélange de styles. Yes. Entre électro, dub, punk rock, voilà, un petit peu, beaucoup de mélanges. Qui sont passés à la Guinguette Pirate il y a 3 semaines. Yes. D'ailleurs, on les remercie. Et là, le morceau s'appelle Let Me Be. Let me be. Ne pas confondre avec Let It Be, on n'est pas resté dans les années. Non. Là, c'est un peu plus fusion quand même, on va dire. Exactement. Il y a ça. Bon, bah, c'est parti. Mais bien dub quand même. Ouais, mais bien bon, c'est clair. See, The color of my skin is no shame to me. So just let me be, just let me be, just let me be. Yeah. I see the writing on the wall. Yes, your reign of terror, my friend, is about to fall. So far this rough deal, but them safe a man can't hear, then he must have to feel. They have no love for humanity. Though I'm right here, they do not see. The color of my skin is no shame to me. So just let me be, just let me be, just let me be. See, the color of my skin is no shame to me. So just let me be, just let me be, just let me be. Just let me be, just let me be, just let me be. Terror, my friend, is about to fall. So long we are suffered this rough deal, but them safe a man can't hear, then he must have to feel. They have no love for humanity. Though I'm right here, they do not see. My skin is no shame to me. So just let me be, just let me be, just let me be. They have no love for no humanity. Though I'm right here, they do not see. The color of my skin is no shame to me. So just let me be, just let me be, just let me be. Just let me be, just let me be, just let me be. Bien dub, c'était bien cool. Bien dub et bien roots pour passer à une petite présentation, à une petite découverte. Ephrem, qui est quelqu'un qu'on va recevoir dans le mois de décembre bientôt, yes. Avec d'autres personnes. On va recevoir quelques invités pour faire du aussi. Bon son. Exactement. Voilà. Donc Ephrem, Ephrem, en fait, qui est un chanteur nigérien, d'origine nigériane, qui est en France depuis un moment, depuis bien longtemps, parce qu'il a joué avec énormément de monde, aussi bien crois, avec des gens comme El Kadji, etc. en Angleterre, mais aussi avec Fela Kuti, parce qu'ils sont de la même origine et ils ont grandi forcément, ensemble. Forcément influence, quoi. Voilà, tout voilà. à fait. Et là, c'est quand même un morceau qui est assez roots, assez reggae. Ouais. Et on, si on a un peu le temps, on va s'écouter à la fin, peut-être sa reprise de Zombie. Ouais. Mais en tout cas, là, c'est un morceau qui s'appelle Tech Tree avec quelques guitaristes qui sont des amis et Ephraim qui nous chante ça. Tech Tree. Yes, Tech Tree. The sun brightly shining overhead, warming the atmosphere as if it were new on the most perfect June day. Imaginable. Feel the earth underneath. Green and rich, soaking up all those golden rays of light. To make it three times. I spent my time keeping all those things that I've got to do. See me rolling. Ethiopia in Africa, motherland. Oh, we wanna tell you, we wanna tell you the reason why revolution is of no use today. For I and I will pick a victory. Rastaman, move on. Yes, sir, Rastaman. Ephraim, un bon révolutionnaire qu'on recevra dans le mois de décembre et qu'on vous fera écouter d'ici là. Ouais, puis on vous tiendra au courant largement avant. Yes, sir. Vous êtes toujours sur Couleur Croisée, Evelyne Radio, on vous le rappelle. 88.4 jusqu'à minuit avec voilà. Seb et Axel. Yes, et donc on était avec Ephraim. On va rester dans le route, on va partir sur du live et sur une grosse reprise. Mm-hmm. The Harder They Come. Yeah. Donc tiré du film, hein, forcément. Exactement, un bon film, n'est-ce pas, qui a marqué ouais, cette génération. Ouais, Jimmy Cliff. Yes. Carrément. On peut y voir aussi les Scatalites, on peut y voir plein de... Enfin, toutes les têtes ouais. du reggae qui ont marqué encore aujourd'hui pour tous les Rastas, c'est un des films à voir avec deux, trois autres. Voilà. Et là, une reprise de Jamiroquai en live. Et donc on se fait plaisir. Il est bientôt 22h30. Toujours sur Couleur Croisée. Yes, the harder they come. Jamiroquai. Thank you. C'était la version roots de Jamiroquai. The Harder They Come, reprise yes, forcément, en live. Et on va passer sur du français, un petit groupe petit qui est gros, mais pour les amateurs surtout aussi, La Rue qui est à nous. Ouais, qui s'est fait connaître sur la scène, hein. Yes, un peu comme trio, ouais, de la même manière. Un peu sur Paris, il y a pas mal de groupes comme ça, quand ils sont bons, même si ça veut pas signer derrière, ça perce. Ça tourne. Exactement. C'est clair. Et là, un album qui date déjà, qui s'appelle En attendant les caravanes, yes, sur Salut Haut Productions, forcément. Et là, le titre s'appelle Sur les chemins de la bohème. Voilà, c'est pour ça que je faisais. Ah, ça fait rêver un petit peu, ouais, c'est clair. Ouais, on est là pour ça en même temps. Ouais, pour rêver uniquement, ouais. T'as vu cette société. Enfin bon, je vais pas refaire le monde. On refait le monde en musique, en couleur. Voilà, et en ça tout cas, pour déjà vous dire que le 22 janvier aussi, avec le 21 juste avant, ouais, ils sont au Cabaret Sauvage, donc à Port de la Villette. C'est un truc à faire et à réserver peut-être, ou sinon à y aller tout simplement. Voilà, donc ce sera à partir de 19h30. Hein, exactement. Après voir. Yes. Voilà, donc, sur les chemins de la bohème. Gentiment. Sur les chemins de la bohème, j'ai croisé le bout du monde. Des petits matins au café crème, où je taxais ma première blonde. Avant de partir, le pouce en l'air, à l'autre bout du bout du monde. Avant de partir, le pouce en l'air, à l'autre bout du bout du monde. Sur les chemins de la bohème, j'ai croisé la neige et le soleil. Une fille qui m'a dit je t'aime, un soir où elle n'avait pas sommeil. Avant de partir, le cœur en l'air, à l'autre bout du monde. Avant de partir, le cœur en l'air, à l'autre bout du monde. Sur les chemins de la bohème, j'ai parlé des langues étrangères, mes pas poursuivaient un poème. Je me suis lavé à l'eau de mer avant de chanter des mots en l'air sur des musiques vagabondes. Avant de chanter des mots en l'air sur des musiques vagabonde. De la bohème, on m'a chouravé ma guitare. Un vieil homme m'a donné la sienne en me racontant son histoire. Et je lui dédierai cette air. À l'autre bout, du bout du monde. Et je lui dédierai cette terre. À l'autre bout, du bout du monde. Chemin de la bohème. Ouais, carrément, on y va tout de suite. On y va et on va y rester dans la bohème un peu. Ouais, avec un guitariste, toujours à texte, ouais. Carrément. Ouais, avec monsieur Georges Brassens sur un live en Grande-Bretagne. Ouais, donc un public, donc voilà. Vivant en fait. Une chanson aussi qu'on trouve pas beaucoup sur ses albums, hein, ce qui est très rare. Moi je l'ai cherché, pour l'instant je l'ai pas. Le roi. Ouais, le roi. Yes. Le roi des cons. Forcément. Exactement. Et donc là, un peu plébiscité par son public. Hein. Je ne sais pas si elle était prévue sur cet album, mais en tout cas, écoutez bien au début. Voilà, donc on se fait plaisir. Le roi. Puis dédicace à tous les cons. Alors. Ouais, on leur dédicacera ça. Hein? On va essayer, le roi. Non, certes, elle n'est pas bâtie. Non, certes, elle n'est pas bâtie. Sur du sable, sa dynastie. Sur du sable, sa dynastie. Il y a peu de chances qu'on détrône le roi des cons. Il peut dormir ce souverain. Il peut dormir ce souverain. Sur ses deux oreilles sereines, sur ses deux oreilles sereines, il y a peu de chance qu'on détrône le roi des cons. Je tuile, elle nous vous île, je tuile, elle nous vous île, tout le monde le suit docile. Le monde le suit docile. Il y a peu de chance qu'on détrône le roi des cons. Il est possible au demeurant, il est possible au demeurant, qu'on déloge le chat d'Iran, qu'on déloge le chat d'Iran. Mais il y a peu de chance qu'on détrône le roi des cons.

c'est toi. Vais-je te prendre par les hanches comme sur l'écran de mes nuits blanches? Non, je te dis comment ça va. Et je t'emmène au cinéma. Yes. Au cinéma, on est tous des acteurs. Ouais, tout à fait. On est tous les acteurs de notre propre film, quoi. Oh, bravo, c'est ce soir, je te jure, le mardi philosophique. Ouais, non, c'est Macha, là. C'est Macha. Bon, bah, de Nougaro, on va passer à Monsieur Parker. Yes, la transition. Voilà, c'est, en même temps, c'est couleurs croisées, donc. Voilà, mais on est là pour croiser les esprits aussi. Exactement. Tout à fait, il y a tout, quoi. C'est ça le métissage, ouais. C'est ça le métissage. Matteo Parker, on va se faire même un double Matteo. Matteo. Matteo, excellent, ouais. On peut lui donner des petits surnoms aussi. Non, mais c'est un de tes potes. C'est pas ça, en fait. Exact. Je comprends. Ah, l'habitude, tu comprends. Il y a ça. Et là, en fait, on va l'écouter en live, en fait, un morceau qui s'appelle Cold Sweet. C'est un pur live. Là, attention, va falloir s'accrocher. C'est du bon, du lourd. Et pour ceux qui apprécieraient, mais ceux au Parker en général, on... Bah, il passe en concert. Ouais, justement, le 25 novembre, à Mérignac, donc juste à côté de Bordeaux. Voilà. Dans le 33, il passe à la salle le Krakatoa. Voilà. Comment tu dris? Krakatoa. Voilà, exactement. C'est comme le volcan. Novembre. Exactement, yes. Yes. Non, je te le referai pas. Là. Non, tu le referas pas. Non. Cold Sweet, donc, en et fait. Ce sera suivi d'un deuxième morceau de Maceo, The Greatest Romance Ever Sold. Un morceau produit par Prince. Et donc, voilà. Là, c'est du live. Donc là, c'est direct. Sur couleur croisée. Thank you. Money. Maceo Parker. Voilà, avec Prince. Yes. The Greatest Romance Ever Sold. Bien et... connu dans les années 80, n'est-ce voilà. pas? Voilà, et vous pouvez le retrouver sur l'album Dial Maceo. Yes. Sorti en 98. Et puis là, il se fait du 11h05. On va se faire un petit agenda pour cette semaine jusqu'à ce week-end. 11h05. Ah ouais, pardon, yes. excuse-moi, non, c'est, oh, c'est le refrain. Il y a un problème. Ah, c'est... 11h05, si vous nous rejoignez, vous êtes sur Couleur Croisée. Et ben ouais, on va se faire un petit plan agenda. C'est parti. Voilà. Allez. Toujours avec Mister Funkadelic. Oui, enchanté. Allez, on commence demain, mercredi 17 novembre, avec Habana Sax, un mélange de Latin Jazz et Salsa. Ça se passe au Babalou Bar à partir de 21h et c'est 10€. Voilà, moi j'ai résidence Mickey Dash, c'est du World Magash, en fait, du Magash, au Glazart dans le 19e à 20h30 et c'est 10€. Et pour les amateurs de blues malien, c'est Boubacar Traoré qui sera au New Morning dans le 10e arrondissement, métro Château d'Eau, à 21h et le prix 22€. Yes, c'est une petite soirée de drum and bass comme tous les mercredis soirs, pratiquement au Rex Club. Et demain soir, c'est DJ Marquis, Stamina, Elisa Doblajur et Mac Jamal qui Mac MC Jamalski. Ah, c'est un Mac Jamalski, s'il vous plaît, pour demain soir. Du Canada, c'est pour ça, du Mac Jamalski. Donc au Rex, demain soir, drum and bass, 6€, ça le fait, à 23h30. Yes, on passe au jeudi 18 novembre avec Teofilo Chantré. Donc de la rumba, de cuba, un mélange de jazz, de java, un peu de tout. Ça se passe au Conoche, au Cinoche, pardon, j'ai fait une petite faute, de Bagnolet. Ça se passe au Cinoche de Bagnolet dans le 93 à partir de 20h30. Et bah, c'est pas grave, il y a Bassisoko aussi au New Morning dans le 10e, donc à 21h. Qu'on vous a déjà passé ici. Ouais, voilà, tout à fait, c'est bien sympathique. Hein. Et c'est 20€ au New Morning, sympathique. Ça. Avec de la kora, musique bien moderne, africaine. Yeah. On passe au vendredi 19 novembre avec le groupe Alma, mélange de dub, de salsa caliente. Bon, bah, à tester, hein. Ouais, à la Divette bien. De Montmartre, dans le 18e arrondissement, à partir de 19h. Et on n'a pas les prix. Donc allez-y. Yes. Ça va pas être très cher. On a une petite soirée soul funky, hommage à Marvin Gaye, au yes. réservoir dans le 11e. Soul Generation, à 22h. Et c'est 10€ le réservoir dans le 11e. Et pour ceux qui ont les poches un peu vides, ben il y a le Robin Hood Sound, un sound system au Newport dans le 11e arrondissement à 21h, donc gratos. Yes, bah même si t'as de la thune dans les poches, c'est pas grave, hein. Et si t'en as quand même, bah Orange Street c'est du ska, Stanley Beckford c'est du mento. Et c'est à la salle Jean Villard à Argenteuil, en fait, dans le 95, c'est à 20h30. Ouais, bon petit plan, ça, Orange yes. Street, ça aussi. C'est 8 à 11 euros à peu près. C'est cool. On yes. va passer au samedi 20 novembre avec gros plan, là, c'est les Steel Pulse hein, qui reviennent. Voilà. À l'Élysée Montmartre, alors à savoir s'ils feront le même album que le fameux album live. On va savoir. De Steel Pulse, hein, que l'un des meilleurs quand même. Donc, dans le 18e arrondissement, l'Élysée Montmartre, à 19h et le prix 24€. Yes, c'est le même soir, il y a Bankadi ou Bekandi, Bankadi, c'est un pote qui fait de l'afro jazz en tout cas, un gueule de pirate, et c'est à 20h30 pour 8€. Et pour les amateurs de percu, de congas, et ben c'est Orlando Poleo et Shaward qui se produit au New Morning à 21h. Yes. Le dimanche soir, le 21, au Rumba Club, il y a, pardon, c'est au Divan du Monde, il y a Rumba Club en fait. Le Divan du Monde, c'est dans le 18e. Et c'est un petit peu une petite soirée Rumba, Brésil, African Cuba. Et ce sera 10 à 12€. Yes. Et le lundi 22 novembre, ça remonte quand même à 6-7 jours, vous avez le temps. Et c'est Sishia, un mélange de world fusion indienne et arabe. Et ça se passe dans 78 à Manileamo, à l'Estaminet. Et c'est entrée libre, donc lundi prochain. Ben voilà, comme ça il y a de quoi sortir pour cette voilà. semaine. Donc si vous n'avez rien noté, ben vous avez tout loupé parce qu'on est en direct. Il n'y aura pas de redif. Hélas, mais il y a de quoi écrire des courriers dans ces cas-là qu'on se redif. Voilà. Bon, et puis bah, le petit morceau qui est passé au début, qui était Sayak Jazz Machine. Et ben on va le redécouvrir. Le groupe, en tout on cas, va et le redécouvrir, groupe. Ouais, carrément. Un autre morceau qui s'appelle You Kill Cut. You Kill Cut, yes. Donc, mélange toujours de drum and bass, jazzy. C'est bien métissé, c'est bien fusion, toujours sur Couleur Croisée. 11h passé jusqu'à minuit. Machine. Yes. Avec le morceau You Kill Cut. Mais donc bien cuté justement, bien cuté, hein, ça sent bien les loops quoi, c'est clair. Exactement. Et on va passer à Gong, on vous avait déjà fait écouter ça, et on recommence, on réitère avec un titre qui s'appelle Chandra, qui est sur le même album que Chamal justement, du même nom, Chamal justement, qui est toute une petite histoire qui part dans chaque pays, et là on va partir en Inde, gentiment. avec Gong. Mais on y est de toute façon ce soir, non, non. C'est clair, on est parti dessus et on y reste. C'est le patchouli, ça reste dans les vêtements, c'est le Gary Frostoder. Chandra. When you get it, Dans le désert. Yes. Voilà, c'était Gong. Gong avec le morceau Chandra. C'est ça. Et on va passer à Spurhead. Spurhead avec monsieur Ernest Anglin. Exactement, le pianiste. Ouais. Du bon, quoi, en fait, parce que ça fait un pur métissage. Ça sonne hip-hop, ça sonne R&B. Et c'est très, très bon parce que c'est très mélodieux, quoi, en fait, vraiment. Que et donc accompagné avec Ernest Anglin. Voilà, tout à fait. Vous êtes sur Couleur Croisée, il est 23h20. Et puis bah, on va continuer pour le bon son tout voilà, simplement. Jusqu'à minuit. Il y a ça. Whoa, whoa, whoa, and nothing ain't plenty for me. I got plenty of nothing. Whoa, whoa, whoa, and nothing ain't plenty for me. Open up my wallet, look, you see what's inside. A dead phone card and no token for no ride. An old ID card that gon' pass expiration. That gotta got a rhythm just to give me inspiration. I repeat, a rhythm just to give me inspiration. Cause without the groove, my life would be in desperation. When you're flat broke, you can't afford. No hesitation, no reservation, nor even constipation. Folks with plenty loot got bug alarms on the door. Afraid I'm gonna rob them while they out there making more. I ain't got no locks upon my door. If you get past my dog, you could steal my whole floor. I got plenty of nothing. Whoa, whoa, whoa. Ain't nothing ain't plenty for me. That's right. Got plenty of nothing. Whoa, whoa, whoa. And nothing ain't plenty for me. I come back on the track, so versatile, like smack on the wax. Make a junkie smile, ease up, relax. Loosen up your ties, straight with the facts. Black militia style the other day, around the way. I saw a friend of mine who's feeling kinda down about the things people say. The backstabbers, loot grabbers, chasing him like paparazzi with his zoom in cameras. Yo, I see, what's the matter with you seen? I see you walking around like you bet the wrong team. Nah, it ain't that, I'm just high from the scene. Life's a strong cup of coffee when you got no cream. Thank God I got my honey just to make things sweet. I repeat, my honey, just to make things sweet, she gives me mad loving, a rubber dubbing. Because the best thing to comfort a man is a woman. I got plenty of nothing. Whoa, whoa, whoa. And nothing ain't plenty for me. I got plenty of nothing. Whoa, whoa, whoa. And nothing ain't plenty for me. Ernest Hemingway on the track, y'all. Avec Ernest Anglin et on m'excusera, mais c'était à la guitare qui était monsieur Ernest Anglin. Voilà pourquoi on entendait cette guitare et non pas au clavier comme j'ai dit. Et on va repartir un peu plus loin dans les années 60-70. Mm-hmm. Monsieur Lee Perry, du bon, accompagné de Anthony Sanjay Davis, yes, sir, pour un morceau qui s'intitule Words. Donc que du bon, bien route. Et Lee, ouais, Perry, on n'a plus besoin de le présenter. Non. Carrément. Il y a un morceau qui tape un peu des phases, hein, vous allez voir, dans le morceau. Ouais, vraiment, il y a plusieurs morceaux dans le morceau. Yes, vraiment. Words. righteousness is a must. I and I will squeeze the wicked boss. Squeeze them up. Squeeze them up. Righteousness is a must. I and I will squeeze the wicked boss. Squeeze them up. Squeeze them up. While the wicked are right, Jaja a white mouse. So make them go on and run up their land mouth. Righteousness is a must. I and I can squeeze them bus. While we keep the right, Jaja a wipe out. While we keep the right, Jaja a wipe out. So make them go on, run up their land mouth. If you make them one, run up the land mouth. For the lion are the winner, the lion are the winner, and the lion are the winner. The lion are the winner, the lion are the winner, the lion are the winner. Jackie the winner, you're gonna lose your dinner. For the lion are the winner. Jackie the spinner, you're gonna lose your dinner. For the lion are the winner. Are the lion are the winner. Are the lion are the winner. Are the lion are the winner. Are the lion are the winner. Jackie the spinner, you're gonna lose your dinner. The lion are the winner. And the lion are the winner. The lion are the winner. Toujours sur 88.4. We'll be right back. c'était une version Lipéry. Version Lipéry, exactement. Ouais. Avec deux trois phases, hein, on vous avait prévenu. T'as l'impression que le morceau se termine, mais non, en fait, non. Il fait que commencer, c'est clair. Et on va passer à de l'afro, on va partir en Afrique. Ouais, sur une compile Building Bridge qui a été produit et enregistré à Dakar dans les studios de Youssou N'Dour. Yes. Et donc avec qui présente divers artistes sénégalais. Donc il a fait son choix, il a fait sa compile, voilà. Et entre autres avec Diakobo. Voilà, Diakobo. Sur le morceau qui s'appelle Agazambi. Yes. Ouais, c'est parti. Bah oui, yes. On attend. Thank you. Jacobo Agassambi. Yes, un bon mélange, ça a la patate. Made in Sénégal. Ouais, carrément, ça ils font des trucs qui groovent. Ça sent que c'est Youssou N'Dour qui essaye de faire monter un peu le truc, ouais, carrément. Yes, donc sur une compil Building Bridge. Voilà, si vous voulez chercher. Et on va passer à Roy Hargrove, qu'on avait déjà entendu avec son groupe RH Factor, qui justement n'arrête pas de passer en ce moment, essayer de vous renseigner un petit peu. Ils sont passés à Courbevoie là, dans le week-end dernier avec RH Factor, donc c'est du gros groove, c'est du gros funk, mais là c'est en quintette en fait, donc plus jazzy, mais attention quand même, on va voir que ça part plus cool, hein. Ouais, plus cool, hein, mais c'est quand même inventif, y a ça. Ouais, c'est parti, il nous reste 20 minutes d'émission. Roy Hargrove. Avec plaisir. We'll be right back. Yes, Roy Hargrove, donc quatet. Donc jazz ouais. un peu plus classique entre parenthèses, bon mais ouais, très bon. La soirée. Ça groove, ouais. Il nous reste une petite dizaine de minutes. Voilà, on va pas tarder à se quitter. Pas tarder à se quitter en vous parlant d'une bonne soirée, de deux soirs exactement, qui vont se passer au Viaduc Café, qui se passe dans la avenue Daumesnil, entre Bastille et Daumesnil. Ce sera donc une super soirée et deux super soirées pour le lancement d'une télé qui s'appelle Télé Sud, qui sera sur TPS, le câble. Sur moi, je vous dis, allez-y le 26 novembre. Ouais, carrément. Ouais, il y a deux soirées le 25 et le 26 novembre. Donc c'est une soirée uniquement sur invitation en fait. Voilà, il n'y a pas d'entrée, on paye pas, c'est pas possible de rentrer. C'est uniquement sur invitation, donc couleurs croisées, vous les faites gagner. Donc en fait, on a deux soirées avec Manu Dibango, avec Yann Moix, on a une soirée aussi. Donc les deux soirs avec Rélema. Des groupes de ska, de rock steady. Voilà, de samba de brésilien, jazz, vocal, jazz de... manouche. Tout c'est exactement. Voilà. Il y a beaucoup de groupes qui vont passer. C'est une soirée un peu à la taratata, vous voyez, donc le style. Et ce mais ambiance cool, excellent. Quoi. Voilà, cool. Voilà, très voilà. Bien et très chic. Surtout lui, il y a du café, j'aime bien. Quoi, et ben on vous fait gagner deux places. Alors, donc le numéro de téléphone, on le rappelle, le 01 39 16 86 47. Voilà, vous n'hésitez pas à appeler. Et vous, pendant la semaine, jusqu'à la semaine prochaine, on vous fait gagner des places par internet aussi. Vous nous laissez un mail avec vos coordonnées. Alors, sur pour se faire, couleur croisée. Couleurcroisée@hotmail.com. Voilà, exactement. Ou bien vous allez sur le site internet ivinradio.com, vous cliquez sur couleur croisée, vous allez sur notre site et vous nous laissez un message. Avec votre adresse et c'est bingo. Voilà, donc pour ces deux soirs, des invites à gagner, c'est une super boulette de soirée. Yes. Et pour finir. Ambiance un peu africaine d'ailleurs. Oui, tout à fait, hein, c'est pour ça qu'on reste dans l'afro, ouais, carrément. C'est justement Télé Sud, c'est pas Télé Sud Toulouse, quoi, en fait, c'est Télé Sud Soleil, quoi, en fait, donc tous les pays d'Afrique, etc. Bah là, on va tomber en plein dans le soleil avec la voilà. Percu. On va continuer. Avec monsieur Kassoum Diarra, voilà, maître de percussion, avec Kassouma Percussion, donc son album, son orchestre. Yes. C'est parti, petit morceau pour se faire plaisir. We'll be right back. Voilà, c'était parti dans la trance africaine. Yes, avec Kassoum Diarra. Voilà. Et bah, c'était une petite soirée couleur croisée qu'on vous a fait. Un métissage des musiques. Hein, ouais, juste le temps de discuter encore une fois en musique. Voilà, et comme promis, finalement, bon, on va faire écouter Zombie de Monsieur Fela Kuti, mais par Mister Ephraim, en fait, qui est un ami qu'on va recevoir au mois de décembre, on vous le rappelle, en même temps qu'un chanteur malgache. Fenou Ambi. Exactement, voilà. Qui sera là dans le mois de décembre, on vous rappellera les dates. Ouais. Donc là, on vous rappelle Ephraim, en fait, qui a repris ce morceau parce qu'il a les droits de plusieurs morceaux de Fela qui nous a quittés. Et là, c'est Zombie qu'on va y réécouter avec un début, Du tonnerre. Voilà, du tonnerre. C'est le tonnerre de Dieu qui rentre et c'est Mystique Ephraim qui arrive. Yes. Juste pour on va vous rappeler, pour se quitter, on va vous rappeler donc le site internet pour ceux qui veulent gagner des places pour le vendredi 26 novembre. Voilà, exactement. Et ben c'est evinradio.com. Vous allez sur la page couleur croisée tout simplement, ou bien vous nous envoyez un message couleurcroisée@hotmail.com. Voilà, et on vous envoie des invites pour deux personnes. Et il suffit de nous laisser vos coordonnées. Et c'est au viaduc café. Voilà. Et pour ceux qui ont la motive, le 01 39 16 86 47. On est là, on est en direct. Vous pouvez appeler. Y a encore là pour les 5-10 dernières. Parce que des places, il n'y en a pas beaucoup. Et il y a beaucoup de groupes. C'est une bonne soirée quand même. Ouais, il y a une trentaine de groupes. Et vous allez voir, c'est du bon. On vous en reparle la semaine prochaine. Et on va se quitter avec Zombie. Pour tous ceux qui n'en sont pas, en tout cas, pour cette nuit. Bah, bonne soirée à vous alors. Yes, et puis on se rejoint la semaine prochaine, 22h minuit. Mais oui. Voilà. Et merci de nous avoir écoutés tous les mardis soirs sur Couleur Croisée. Bonne nuit, bonne fin de semaine. Ciao. Yes. Zombie, no go stand, lay you tell 'em. Zombie, no go shoot, lay you tell 'em. Zombie no go fight, les sutel en fight. Zombie no go shoot, les sutel en shoot. Zombie no go laugh, les sutel en laugh. Zombie no go shout, les sutel en shout. Zombie, oh zombie.